Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Istanbul, la ville aux multiples identités. Byzance, c'était la vieille colonie grecque antique. Constantinople, c'est la ville fondée par Constantin le Grand. Et Istanbul, ce que les gens ignorent en général, c'est du grec, c'est pas du turc. Ça veut dire, en grec, Istinpolin, ça veut dire la ville, dans la ville. Byzance, Constantinople, Istanbul, le nom de cette ville, véritable carrefour des civilisations, aura beau avoir changé à quelques reprises, son importance d'abord géographique et stratégique lui assurera toujours une place de choix dans l'histoire. Située à la frontière de l'Europe et de l'Asie, le pouvoir d'influence d'Istanbul se fera sentir par-delà même ces deux continents. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé. Un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul, le muezzin chantait. Le chanteur turc Dario Moreno et sa chanson Istanbul, popularisée dans les années 50, pour nous parler de la très riche histoire d'Istanbul, de ses nombreuses transformations aussi au cours des siècles. J'accueille Raphaël Whelan, qui est historien et conférencier, doctorant en histoire à l'Université de Montréal et à l'Université de Kiel en Allemagne. Raphaël Whelan, bonjour. Bonjour Jacques. Est-ce que le cas d'Istanbul, les civilisations vont sur 3000 ans à peu près se succéder les unes après les autres? Cette ville-là sera un petit peu un des centres du monde pendant des siècles et des siècles. Est-ce que le cas d'Istanbul est unique dans l'histoire du monde? En fait, non. La réponse facile, ce serait non, parce que il y a un certain nombre d'autres villes dans lesquelles toutes sortes de civilisations vont se rencontrer, des plaques tournantes, commerciales, culturelles, etc. On peut penser à des villes espagnoles, une ville comme Tolède, une ville comme Cordoue, qui seront musulmanes, qui seront juives, qui seront chrétiennes, de différentes manières. Mais la particularité d'Istanbul, c'est le symbole qu'elle représente, cette rencontre entre l'Occident et l'Orient, cette rencontre entre le paganisme et le christianisme. C'est surtout le fait qu'elle ait été capitale pendant si longtemps, qu'elle soit située géographiquement à un lieu qui, pour nous, est vraiment le symbole, donc justement, de cette rencontre entre des civilisations qu'on a l'habitude de présenter comme étant complètement opposées, occidentaux, orientaux. Et ça, c'est très important, là. Et on y vient tout de suite, au fond, la situation géographique, le site sur lequel se trouve Istanbul, c'est là-dessus, au fond, que repose le pouvoir d'attraction incroyable de cette ville, non? Oui, absolument. En fait, dès sa fondation, la ville va être choisie pour sa position géographique. Ces différents éléments qui vont lui permettre à cette ville de demeurer pendant 2600 ans à peu près un grand centre commercial, culturel, administratif, politique, etc. Alors, quels sont-ils ces principaux éléments géographiques qui vont faire la richesse de la ville? D'abord, donc justement, cette position au confluent de l'Occident et de l'Orient, de l'Europe et de l'Asie. On est à l'un des deux points de passage entre l'Asie et l'Europe. Il y en a un qui sont les Dardanelles, à peu près 150-200 kilomètres au sud, et l'autre c'est le Bosphore, le point où les deux continents sont les plus proches l'un de l'autre. Ouais. On est au point le plus resserré, à peu près 500 mètres de l'un de l'autre, et à Constantinople, on est à 1 km. Vous vous levez le matin, vous êtes en Europe, mais vous voyez l'Asie et vous pouvez nager pour y aller si vous le souhaitez. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut commercer, ça veut dire qu'on peut se rencontrer, ça veut dire qu'on peut aussi passer par là pour conquérir, passer d'un continent à l'autre. Il y a d'autre part une question de rencontre des mers et des cours d'eau. Trois grands cours d'eau qui se rencontrent à cet endroit-là. Alors, une première masse qui est celle de la mer de Marmara, au sud, qui est une sorte de porte d'entrée, un point de passage entre la Méditerranée et la mer Noire. Cette mer Noire, au nord, on va y accéder par le Bosphore, ce détroit, donc, dans lequel on est à 500 mètres entre l'Asie et l'Europe. Et d'autre part, entre ces deux points-là, des points salés. Il va y avoir un petit cours d'eau, donc d'eau douce, qui s'appelle la Corne d'Or et qui, lui, va assurer l'alimentation en eau douce, mais aussi un lieu dans lequel on va pouvoir trouver toutes sortes de poissons, etc. Donc la rencontre de ces trois points-là va faire de la ville une péninsule, facile à défendre, ouais, facile à barrer. Un lieu où on va pouvoir empêcher les navires de passer et donc lever des taxes, évidemment toujours important. Et puis d'autre part, donc, cette rencontre-là, donc on va pouvoir se nourrir avec des poissons. Et surtout, ça va être un lieu dans lequel les bateaux vont être obligés de passer parce qu'ils veulent passer de la mer Noire vers la Méditerranée. Ouais. Dès l'Antiquité, on trouve du miel, des fourrures, du blé en mer Noire, des consommateurs. On va les trouver en Méditerranée. Et aujourd'hui encore, vous avez des tankers, du pétrole, etc., qui partent de la mer Noire, qui partent de l'Azerbaïdjan, ou peu importe, et qui s'en vont vers la Méditerranée, et ensuite vers Montréal, ou peu importe où. Ouais. Donc le site, il est extraordinaire. Ça donne une première cité. Il y en aura quelques-unes qui se succéderont. C'est toujours la même ville avec les transformations qu'on va décrire au cours de cette émission. Ça commence quand, l'histoire de cette cité? Alors, la date consacrée est de 667 avant Jésus-Christ. On sait qu'il y a eu en réalité certains établissements auparavant, probablement des tribus qu'on appelle les Thraces, qui étaient installées par là. Mais la première trace historique qu'on en a, c'est un récit qui nous parle d'un certain Byzas qui veut fonder une ville. Alors, c'est un Grec. Il part de la ville de Mégare, dans le sud de la Grèce, et il va questionner l'oracle de Delphes, qui lui donne un message. Comme d'habitude, c'est l'oracle de Delphes, alors ça ne peut pas être trop facile. Il lui dit qu'il faut qu'il s'installe en face des aveugles. Notre pauvre Byzas se met donc à chercher des aveugles un peu partout, il se demande. Et après des années de voyage, il finit par arriver près du Bosphore, là où sera la future ville donc de Byzance. Et là, il voit d'un côté un site exceptionnel, une péninsule facile à défendre, le cours d'eau douce, etc. Et de l'autre, une ville qui a été installée sur des falaises difficiles à gravir, difficiles à cultiver, etc. Une ville qui s'appelle Chalcédoine. Et là, il décide que les gens qui se sont installés de l'autre côté à Chalcédoine, ce sont les aveugles. Ouais. Et moi, je vais m'installer de l'autre côté. Comme si les habitants de Québec disaient « les gens de Lévis sont des aveugles et se sont installés là-bas et nous, on avait raison de se mettre là ». Probablement que c'est une légende inventée plus tard par les Byzantins eux-mêmes. Aveugles, parce qu'ils n'ont pas vu cette splendeur qui était devant eux. Et donc, ça c'est là. Donc, Byzance naît dans ce contexte-là, va devenir cette ville de Byzance, Constantinople. On écoute l'historien Christian Canuyer en parler dans le documentaire Justinien, le lieutenant de Dieu, réalisé en 2014. Le destin de Constantinople ne peut se comprendre sans le Bosphore. Ce détroit qui met en communication la mer Noire et la Méditerranée et qui unit beaucoup plus qu'il ne sépare l'Asie de l'Europe. C'est là qu'en 324, l'empereur Constantin s'en vint écraser son rival, Licinius, qui avait trouvé refuge dans la région. D'emblée, Constantin comprit les atouts extraordinaires de ce site. Atouts stratégiques car, bien plus que Rome, Byzance pouvait être une base opérationnelle pour des actions militaires tant terrestres que maritimes contre les ennemis de l'Empire, au nord les Goths, à l'est les Perses. Aussi, lorsque le 11 mai 330, Constantin inaugura solennellement sa nouvelle capitale, bientôt baptisée Constantinople, il entendait en faire une nouvelle Rome à la tête de l'Empire. Alors, avant de parler de cette nouvelle Rome à la tête de l'Empire, de ce que va devenir Constantinople à terme, à son âge d'or, Raphaël Wallan, revenons sur le contexte qui la vit naître. Dans quel contexte Byzance, donc, cette Byzance grecque, devient-elle Constantinople? Alors, à ce moment-là, il y a déjà plusieurs siècles que la ville de Byzance, la ville grecque, fait partie de l'Empire romain depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais elle ne va devenir la capitale qu'au bout d'un siècle très troublé dans l'histoire romaine. En effet, entre à peu près 235 et 330, le moment de la fondation de la ville, c'est un siècle qu'on appelle le siècle des empereurs-soldats. Il y a des guerres civiles très fréquentes, et justement, donc, 324, 330 par la suite, il y a notamment une guerre entre ce Constantin et Licinius. Constantin est fondamentalement un usurpateur, qui va se baser sur certaines des forces nouvelles à l'intérieur de l'Empire pour pouvoir appuyer son pouvoir, le christianisme notamment, mais aussi les régions orientales, plus riches, plus fertiles. Il va déplacer la capitale et le centre de gravité de l'Empire depuis l'Occident, l'Italie, Rome, vers l'Orient, la Turquie, Constantinople. Et il va vouloir marquer son nouveau pouvoir, il va marquer le coup avec la fondation d'une nouvelle Rome. Il est un nouvel empereur, ouais. Il se débarrasse du passé et il se débarrasse de l'ancienne Rome pour fonder la nouvelle. Ouais. Et comment se définit et se reconnaît, qu'est-ce qui la caractérise, cette nouvelle Rome? Alors, l'Empire byzantin est un empire qui a souvent mauvaise réputation. Vous savez, on dit des discussions byzantines, des discussions inutiles, etc. L'Empire byzantin, c'est l'Empire romain en Orient. Justement, à partir de 395, il y aura deux empires, un en Occident, qui va finir par s'effondrer en 476, et un en Orient, gouverné depuis Constantinople, qui va de la Grèce à l'Égypte, plus riche, plus puissant et qui va réussir à maintenir son influence et sa puissance pendant près de 1000 ans. En fait, cet empire va continuer à exister. Les habitants de cet empire, ces empereurs, ne vont jamais se dire byzantins. Eux, ils vont continuer à dire « nous sommes l'Empire romain ». Ouais. La raison pour laquelle les historiens font une différence entre l'Empire romain et l'Empire byzantin, c'est que cet empire, s'il se dit romain, en réalité, il est très différent. On a certaines lois romaines, effectivement, on continue à s'appeler empereur, etc. Mais la vérité, c'est qu'on parle le grec, on a une nouvelle religion, le christianisme, et un christianisme très particulier qui va faire partie de l'identité de la puissance de l'Empire, ça va être le christianisme orthodoxe. Ouais. C'est l'empereur qui est à la tête de cette religion chrétienne, enfin plus ou moins, mais en tous les cas ce n'est pas le pape, et c'est la grande différence entre les catholiques en Occident et les orthodoxes en Orient, dans l'Empire byzantin. Cette religion orthodoxe, ça va faire partie de l'identité de cet empire, tout autant que sa culture gréco-romaine. Ce sont deux éléments sur lesquels les empereurs vont pouvoir se baser pour maintenir l'homogénéité de l'Empire pendant 1000 ans, malgré des phases de puissance et de déclin. Alors, venons-y à ces phases de puissance et de déclin. Sur 1000 ans, quand peut-on situer l'âge d'or de Constantinople? Disons que le grand moment de la ville, c'est le moment de l'extension maximale de l'Empire. C'est le VIe siècle, sous un empereur qu'on appelle Justinien Ier. Celui-ci, donc, va hériter d'un empire qui va de la Grèce à l'Égypte, mais il va y ajouter certaines provinces qui avaient été perdues en Occident, les provinces de l'Empire romain d'Occident, l'Italie, l'Afrique du Nord, une partie de l'Espagne. Il va y avoir une sorte de grand mouvement de reconquête et Constantinople, à ce moment-là, est véritablement la capitale du monde. On va faire partir depuis cette ville-là à la fois de grandes expéditions militaires, de grandes expéditions commerciales. Il va y avoir aussi des expéditions religieuses. Je vous parlais de cette volonté, de cet élément de religieux si important dans l'identité byzantine. Eh bien, ça va pousser les Byzantins à essayer de propager leur religion. Et notamment, c'est ainsi que dans l'Europe de l'Est, que ce soit en Russie, que ce soit en Bulgarie, que ce soit en Roumanie, on va envoyer des moines qui vont propager le christianisme orthodoxe. À quoi se reconnaît au moment de l'âge d'or, à quoi se reconnaît concrètement cette grandeur de Constantinople? Alors, c'est très certainement là où l'une des plus grandes villes du monde. On n'est jamais d'accord sur le nombre d'habitants, peut-être 500 000, peut-être 1 million. On n'est jamais tout à fait certain en archéologie, dans ce genre d'époque. Mais certainement l'une des plus grandes villes du monde. Une ville qu'on dit au toit d'or, aux 100 églises, un petit peu comme Montréal. Donc une ville extrêmement riche, dans laquelle on va fonder certaines des plus vieilles universités du monde, dans lesquelles on va construire des bâtiments de prestige qui servent à asseoir l'autorité de l'empereur. Alors des bâtiments qui vont être en lien avec cette identité gréco-romaine et chrétienne, donc des universités, un grand palais impérial et aussi surtout des églises, ouais. Notamment l'église de Sainte-Sophie, certainement la plus célèbre. Ouais. Ville de grands monuments qu'on peut encore aujourd'hui, dont on peut encore aujourd'hui profiter heureusement. Le déclin, en un mot, il arrive quand et comment ça se passe? Alors en fait, c'est un peu particulier parce que cet empire byzantin, c'est un petit peu comme une amibe. Il est capable de se contracter et de revenir, toujours grâce à cette ville de Constantinople sur laquelle on peut se replier pour repartir à l'assaut. On peut parler d'une première phase de déclin au 7e siècle, avec l'invasion des Arabes en Orient, on va perdre l'Égypte, on va perdre la Syrie. En Occident, on va perdre des territoires comme l'Italie, on va perdre les Balkans aussi, sous la pression des Slaves. Mais l'Empire va repartir à l'assaut, il va reconnaître une nouvelle phase d'expansion jusqu'au XIe, XIIe siècle. Et à ce moment-là vont arriver ceux qui vont vraiment porter un coup terrible à l'Empire, et ce ne seront pas les musulmans, en fait ce seront les chrétiens. Ouais. La ville de Constantinople va être un carrefour sur la route vers les croisades, donc vers Jérusalem, on se retrouve à Constantinople. C'est la rencontre entre les chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes. Et si les chrétiens sont censés s'unir contre les musulmans, en réalité, chaque défaite sera l'occasion pour les orthodoxes de blâmer les catholiques, pour les catholiques de blâmer les orthodoxes. La rivalité va enfler et finalement, en 1204, l'une des croisades va être détournée et va attaquer et piller la ville de Constantinople elle-même, affaiblir terriblement l'Empire. Il va survivre, on va même récupérer Constantinople en 1261, ouais. Mais ça va mettre l'Empire à genoux face à ceux qui vont être ses bourreaux finaux, c'est-à-dire les Turcs, des Turcs qui sont arrivés ouais. en Turquie entre-temps et qui finalement en 1453 vont s'emparer de la ville définitivement. Et ça va donner quel effet cette prise de Constantinople par les Turcs, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas? Alors, on peut parler d'un changement dramatique dans l'histoire du monde. D'abord, cette grande ville chrétienne, cet empire romain est définitivement mis à terre. Ce sont désormais des sultans qui régneront là où étaient des empereurs. Ce sont désormais des califes qui régneront là où était le vice-gérant de Dieu sur terre, qui était le terme chrétien que les empereurs byzantins s'accordaient à eux-mêmes. Donc il y a ce changement fondamental. Il y aura d'autre part, et c'est quelque chose peut-être d'encore plus profond, la prise de la ville de Constantinople par les Turcs va amener les Turcs à lever des impôts et des taxes très importantes sur le commerce des marchandises, et ça va mener un certain nombre de commerçants en Occident à vouloir trouver un moyen de contourner ces postes de douane. On va se lancer dans la circumnavigation de l'Afrique, passer en dessous du Cap Horn, etc. Mais aussi, éventuellement, la conquête de Constantinople en 1453 est une des raisons qui va amener à la découverte de l'Amérique 50 ans plus tard. Donc ça fait, disons que ça, ce sont les choses qui changent. Ouais. Il y a des choses cependant qui restent pareilles. D'abord, la ville va rester la capitale. Elle va conserver son nom, malgré ce qu'on a souvent l'habitude de dire. Constantinople serait la ville grecque, la ville byzantine, et Istanbul, son futur nom, serait la ville turque. En réalité, on va garder le même nom, le nom de Constantinople. On va garder l'administration. L'empereur byzantin est remplacé par le sultan, mais ils vivent à peu près au même endroit, dans des palais au final assez semblables. Les chrétiens vont pouvoir garder leur place à l'intérieur de l'empire. Ce sera un empire multiethnique et multiconfessionnel, dans lesquels les Grecs, les Arméniens auront un rôle notamment commercial et administratif de premier plan. Et la ville de Constantinople va rester la tête dirigeante de l'Église orthodoxe. Donc pendant jusqu'au XXe siècle, en fait, et même aujourd'hui pour certains orthodoxes, ça reste l'équivalent de Rome pour les catholiques, cette ville de Constantinople. Ouais. Et c'est au XXe siècle justement que Istanbul change une dernière fois de nom pour devenir Istanbul. Et ce nouveau nom de la ville, il est intimement lié à celui de Mustafa Kemal et à l'esprit de ses réformes. La Turquie libérée, Mustafa Kemal, que l'on voit ici avec sa femme, va se consacrer à l'édification d'un État nouveau. D'abord, c'est l'abdication forcée du sultan. Celui-ci se démet en même temps de son titre de calife, c'est-à-dire de commandeur des croyants, et part pour l'exil. L'accueil de Constantinople, devenu Istanbul, aux troupes du libérateur est un véritable délire. Les Turcs de tout âge, de toutes conditions, se rangent derrière Mustafa Kemal, dont le premier soin est de rompre avec les traditions paralysantes de l'Orient. Lui-même prend le nom symbolique d'Atatürk, le père des Turcs. Sa première cible, c'est l'islam. Autre réforme, le costume. Aux robes et aux turbans du passé se substituent des tenues occidentales. Le voile qui cache le visage des femmes est interdit. Les Turcs deviennent semblables à leurs sœurs d'Europe. Atatürk déclenche une véritable révolution. L'écriture arabe est supprimée, remplacée par les caractères latins. Autre victoire sur l'islam, des statues, des portraits sont consacrés au ghazi, alors que le Coran interdit la reproduction de la figure humaine. Extrait de l'émission 7 jours du monde, diffusée à l'ORTF en 1963. On le comprend déjà un peu, Raphaël Wallan, mais dans quel contexte Istanbul devient-elle Istanbul? Alors, En fait, on le voit bien, c'est un changement fondamental. Il y a toujours au cœur de l'histoire de Constantinople cette tension entre Orient et Occident. Et avec Mustafa Kemal, la ville va prendre un tour occidental, mais en même temps, elle va se venger de son nom grec. En effet, Mustafa Kemal est d'abord et avant tout un nationaliste turc. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est très affaibli, presque détruit. Il va signer en 1920 un traité, le traité de Sèvres, dans lequel le sultan accepte que ses possessions soit écartelée, mais lui reste sur le trône à Constantinople. La population turque, et notamment les officiers turcs, et à leur tête donc Mustafa Kemal Atatürk, vont refuser ce diktat occidental. Ils vont refuser de sacrifier la Turquie et l'Empire turc pour le bien-être du sultan. Ils vont se révolter contre le sultan et contre les occidentaux, mener notamment une guerre très dure contre les Grecs qui vont pousser jusqu'au centre de la Turquie. Et la capitale qui avait été la capitale de guerre de cette Turquie en guerre contre les Grecs, contre les occidentaux et contre leur sultan, c'était la ville d'Ankara. Et donc, lorsqu'on va récupérer toute la Turquie, lorsqu'on va récupérer, y compris Constantinople, on va garder le symbole de cette Turquie victorieuse, de cette Turquie nouvelle, et on va laisser Constantinople être la capitale économique, mais pas la capitale politique, parce qu'il reste attaché le souvenir de ce sultan capitulaire et de ses défaites liées aux Ottomans. Aujourd'hui, on va terminer l'émission là-dessus. Qu'est-ce qui reste comme trace de toutes ces civilisations qui ont marqué cette ville d'Istanbul? Vous évoquiez tout à l'heure ce grand bâtiment, ce grand monument de Sainte-Sophie. En soi, il y a probablement un exemple assez formidable. Mais il y en a d'autres à Istanbul. Mais qu'est-ce qui reste de ce métissage, de ces différentes identités de la ville quand on circule dans cette ville d'Istanbul aujourd'hui? Alors, certains bâtiments, on parle de Sainte-Sophie, il y a tout un ensemble de mosquées aussi, bien sûr, qui datent surtout de la période ottomane. Pour la période byzantine, ce sont surtout les murs qui demeurent presque entièrement intacte. Il y a le grand aqueduc de Valence aussi qui amenait de l'eau. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus, mais il barre encore le paysage de la ville. Il y a encore certaines traces de l'ancien hippodrome dans lequel l'empereur rencontrait la population et parfois se soumettait à son jugement. Donc il y a toutes sortes de choses du genre. Ces bâtiments sont aujourd'hui une source d'enjeux et de conflits, de tensions, toujours entre les Grecs, les Turcs, les Occidentaux, les Orientaux. Alors continuent à venir ronger l'histoire même moderne de la ville, en tout cas l'empoisonner. Aujourd'hui, Sainte-Sophie est un musée, ni église, ni mosquée. C'est un choix d'Atatürk pour essayer d'effacer le passé. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui réclament que ce soit de nouveau une église, certains qui réclament que ce soit de nouveau une mosquée. Et on n'est jamais tout à fait certain à Constantinople, Istanbul aujourd'hui, si on est en Occident, si on est en Orient, si on est dans le passé, si on est dans l'avenir. Et pour boucler la boucle, ce qui n'a pas changé ne changera jamais. C'est l'extraordinaire site, le site formidable qu'est cette ville, qui se déploie donc sur les deux continents européens et asiatiques. Tout à fait. C'est aujourd'hui l'une des villes les plus visitées du monde, notamment parce qu'on peut se lever le matin donc et être en Occident et regarder l'Orient depuis la fenêtre de son hôtel. Raphaël Wallan, doctorant en histoire à l'Université de Montréal et à l'Université de Kiel en Allemagne. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.